Section 7 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. De la monarchie selon la charte de François René de Chateaubriand. Chapitre 70. Des épurations en général. Ceci nous amène à traiter des épurations. Avant l'ouverture de la session, les collèges électoraux avaient demandé l'épuration des autorités. À l'ouverture de la session, les deux chambres répétèrent la même demande dans leurs adresses. Le ministère répondit qu'il surveillerait ses agents, qu'il prenait d'ailleurs les événements sous sa responsabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que la responsabilité des ministres ? La loi qui doit la définir n'est point encore faite. Jusqu'ici, cette terrible responsabilité, de loin, vaisseau de haut bord, de près n'est que bâton flottant sur l'onde. Le premier ministère était sans doute dévoué à la cause de la royauté. Cependant, a-t-il pu prévenir l'infidélité des bureaux et des commis ? Dans une foule de cas, le ministre ne peut voir que par les sous-ordres qui l'environnent. Sa foi peut être surprise. Si, par exemple, les administrations sont remplies d'hommes qui calomnient les amis du roi, le ministre n'agira-t-il pas dans le sens des rapports qu'on lui fera ? Ne sera-t-il pas trompé sur les véritables intérêts de la patrie ? À ce mot d'épuration, on s'écrie « Vous voulez des vengeances, vous demandez des réactions ». J'ai dit, dans une autre occasion, que la justice n'est point une vengeance, que l'oubli n'est point une réaction. Il ne faut persécuter personne, mais il n'est pas nécessaire et il est tout à fait dangereux de confier les places aux ennemis du roi. Pourquoi s'élève-t-il une si grande rumeur parmi une certaine classe d'hommes lorsqu'on hasarde le mot de justice ? Parce que ces hommes sentent très bien que toute la question est là, que si une fois on en vient à la justice, tout est perdu pour ceux qui nourrissent encore de coupables espérances. Ne croyez pas qu'ils se soucient du tout de la charte et de la liberté dont ils invoquent sans cesse les noms. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Le salut ou la perte de la France leur paraît tenir à la perte ou à la conservation de leur place. Lorsqu'on était trop pressé par l'opinion publique, on se retranchait dans la nécessité d'une sage temporisation. On fera peu à peu, disait-on, les épurations nécessaires. Mais on ne peut pas désorganiser à la fois tous les ministères et paralyser l'action du gouvernement. Cette objection peut paraître invincible à un administrateur. Elle n'arrête pas un homme d'État. Ne vaut-il pas mieux, dans tous les cas, avoir des agents inexpérimentés que des agents infidèles. Mais si vous exécutiez tous ces changements, vous feriez au gouvernement une multitude d'ennemis. Ces ennemis sont-ils plus dangereux en dehors qu'en dedans des administrations ? L'influence d'un homme en place, quelque médiocre que soit cette place, n'est-elle pas mille fois plus grande que quand il est rendu à la vie privée ? D'ailleurs, je vous l'ai dit, vous ne gagnerez pas ces hommes que vous prétendez réconcilier à vos principes. Vos caresses leur semblent une fausseté, car ils sentent bien que vous ne pouvez pas les aimer. Le système de fusion que vous suivez les fait rire, car ils savent que ce système vous mène à votre perte. Et pour prouver que vous êtes incapable de gouverner, pour justifier leur nouveau complot, ils apporteront en témoignage contre vous votre indulgence et vos bienfaits. Enfin, je veux que les autorités ne s'abandonnent pas à leurs inimitiés politiques. Mais comment les empêcherez-vous d'être fidèles à des penchants plus excusables, sans doute, et toutefois aussi dangereux ? Dans le système des administrations actuelles, les vertus d'un homme sont aussi à craindre que ses vices. Il faut qu'il étouffe, pour vous servir, les plus doux sentiments de la nature. Il faut qu'il arrête son ami, qu'il poursuive peut-être son bienfaiteur. Vous le placez entre ses penchants et ses devoirs, et vous faites dépendre votre sûreté de son ingratitude. Chapitre 71. Que les épurations partielles sont une injustice. Après tout, puisqu'on avait embrassé le système des intérêts révolutionnaires, c'était une chose forcée que de repousser celui des épurations. Mais lorsqu'on suit une route, il faut y marcher franchement, rondement, et c'est ce qu'on ne fit pas. on prit encore le plus mauvais parti, dans un mauvais parti. On en vint aux épurations partielles, et l'on convertit ainsi un grand acte de justice en une injustice criante. Il y a un esprit de justice chez les hommes qui fait qu'on ne se plaint point d'une mesure générale lorsqu'elle est fondée sur la raison et sur les faits. Mais une mesure particulière, qui n'a l'air que du caprice, révolte tout le monde et ne satisfait personne. Quel a été le résultat des épurations partielles ? Tel homme a perdu sa place ou sa pension pour avoir signé une seule fois l'acte additionnel. Tel autre, qu'il a signé 4 ou 5 fois, en 4 ou 5 qualités différentes, conserve ses places et ses pensions. Celui-ci aura accepté un emploi pendant les 100 jours, et il sera déclaré indigne de le garder aujourd'hui. Celui-là se sera conduit de la même manière et conserve ce qu'il avait mal acquis. Un fonctionnaire public descend du haut rang qu'il avait conservé sous Buonaparte après l'avoir reçu de Louis XVIII. On le punit, mais son voisin avait sollicité de l'usurpateur le même rang et ne l'avait point obtenu. Dédaigné de Buonaparte, il jouit du témoignage d'une conscience pure, de la gloire de la fidélité et des faveurs du gouvernement légitime. Des fédérés ont reçu l'institution royale, et un magistrat qui, dans une cour obscure, a prêté un misérable serment, éprouve toute la sévérité de l'épuration. Comme il faut que tout soit compensé dans cette vie, des juges royalistes, des citoyens qui se sont conduits avec courage pendant les 100 jours, ont perdu leur emploi. Et on a mis à leur place des partisans de l'usurpateur, tant on s'est piqué d'impartialité. Encore n'a-t-on pas réellement écarté certains fonctionnaires désignés par l'opinion publique. On les a seulement ôtés d'une province pour les faire passer avec plus d'avantages dans une autre. Un homme que je ne connaissais pas et qui avait été éloigné par l'effet des épurations vint un jour me demander quelques services. Il eut la naïveté de me dire qu'un ministre lui avait promis de le replacer aussitôt que cette chambre furibonde serait renvoyée. J'admirai la grandeur de la Providence et je bénis Dieu de ce que cet honnête homme était venu s'adresser à moi. Ces demi-épurations prolongées produisent encore un autre mal. Elles sèment la division dans les provinces. Elles encouragent les petites vengeances, les jalousies secrètes, les dénonciations. Chacun, dans l'espoir d'obtenir la place de son voisin, ne manque pas de raconter ce qu'a fait ce voisin ou d'inventer, sur son compte, quelques calomnies. Si l'on avait d'abord frappé un grand coup, qu'on en fût venu à une large épuration, on se serait soumis et la vindicte publique eût été satisfaite. On se plaint aujourd'hui des dénonciations et on a raison. Mais à qui la faute ? N'est-ce pas les tergiversations et les demi-mesures qui les ont fait naître ? Il faut savoir ce que l'on veut quand on administre. Mieux aurait-il fallu dire « il n'y aura point d'épuration » et tenir ferme que de n'avoir la force ni de suivre le système opposé ni de le rejeter entièrement. Chapitre 72. Sur l'incapacité présumée des royalistes et la prétendue habileté de leurs adversaires. Enfin, et c'est ici la dernière opinion qui nous reste à examiner, on prétend que les royalistes sont incapables, qu'il n'y a d'habiles que les hommes sortis de l'école de Buonaparte ou formés par la Révolution. Apporte-t-on quelques raisons en preuve de cette assertion ? Aucune, mais on regarde la chose comme démontrée. Nous voulons bien des royalistes, nous dit-on, mais donnez-nous-en que nous puissions employer. Faute de quoi, nous prendrons les administrateurs de Buonaparte, puisque seuls ont du talent. Ainsi, l'on remonte encore la chaîne et l'on retourne au premier anneau. Les royalistes ne peuvent être utiles parce qu'ils manquent de capacité et de savoir. L'épuration est donc impossible parce qu'on n'aurait plus personne pour administrer. Il faut donc gagner les hommes habiles qu'on est forcé d'employer. Donc, il faut ménager les intérêts révolutionnaires. J'ai une question préliminaire à proposer. La plupart de ceux qui ont gouverné la France depuis la Révolution étaient-ils des royalistes ? Si l'on répond par l'affirmative, j'avoue que le système qui condamne les serviteurs du roi comme incapables n'est que trop vrai. Les fautes ont été énormes. Mais il y aura du moins cette petite consolation. Si l'incapacité est le caractère distinctif du royalisme, il faut convenir qu'on a calomnié certains administrateurs lorsqu'on a prétendu qu'ils n'étaient pas attachés à la monarchie. Je les tiens pour les sujets les plus fidèles qui furent onc dans le royaume de Saint-Louis. Résout-on la question que j'ai faite par la négative. Je demande alors si la manière dont la France a été conduite les deux dernières années prouve que les administrateurs sortis de la Révolution sont d'habiles gens. Qu'auraient fait de pis les royalistes s'ils eussent été appelés au maniement des affaires? C'est une chose vraiment curieuse que des hommes qui sont tombés au moindre choc, qui n'ont pas fait un pas sans faire une chute, qui ont laissé Bonaparte revenir de l'île d'Elbe et la France périr entre leurs mains, que ces hommes osent se vanter de leur capacité, se donner l'air de mépriser les serviteurs du roi. Et comment pouvez-vous dire que les royalistes sont incapables puisque vous ne les avez pas employés? Vous, dont l'administration a été si funeste, vous n'avez pas le droit de les juger dédaigneusement avant de les avoir mis à l'œuvre. Essayez une fois ce qu'ils peuvent. S'ils se montrent plus ignares que vous, s'ils font plus de fautes que vous n'en avez faites, vous reprendrez alors les rênes, et tous vos systèmes seront justifiés. On peut affirmer une chose. Avant l'époque du 20 mars 1815, si toutes les administrations eussent été royalistes, elles n'auraient peut-être pas empêché le retour de l'homme de l'île d'Elbe, mais à coup sûr, elles n'auraient ni trahi le roi, ni servi l'usurpateur pendant les 100 jours. 83 préfets, imbéciles si l'on veut, mais résistant à la fois sur la surface de la France, seraient devenus assez fâcheux pour Bonaparte. Dans certains cas, la fidélité est du talent, comme l'instinct du bon La Fontaine était du génie. Chapitre 73. Danger et fausseté de l'opinion qui n'accorde d'habileté qu'aux hommes de la Révolution. C'est un bien faux et bien dangereux système, un système dont l'expérience nous a coûté bien cher, que celui qui ne voit de talent pour la France que dans les hommes de la Révolution. Bonaparte, a dit mon noble ami, monsieur de Bonald, a pu former des administrateurs, mais il n'a pu créer des hommes d'État. Belle observation dont voici le commentaire. Qu'est-ce qu'un ministre sous un despote ? C'est un homme qui reçoit un ordre, qui le fait exécuter, juste ou injuste, et qui, dispensé de toute idée, ne connaît que l'arbitraire, n'emploie que la force. Transportez ce ministre dans une monarchie constitutionnelle. Obligez-le de penser pour son propre compte, de prendre un parti, de trouver les moyens de faire marcher le gouvernement, en respectant toutes les lois, en ménageant toutes les opinions, en se glissant entre tous les intérêts. Vous verrez se rapetisser cet homme, que vous regardiez peut-être comme un géant. Tous ces chiffres, tous ces résultats positifs, tous ces résumés de statistiques, lui manqueront à la fois. Il ne lui servira plus de rien de savoir combien un département renferme de bétail, combien tel autre fournit de légumes, de poules et d'œufs. Smith et Malthus lui deviendront inutiles. Aussitôt que les combinaisons morales et politiques entreront pour quelque chose dans la science du gouvernement, cette tête carrée se trompera surtout. Cet administrateur distingué ne sera plus qu'un sot. J'ai vu les coryphées de la tyrannie déconcertés, étonnés et comme égarés au milieu d'un gouvernement libre. Étrangers aux moyens naturels de ce gouvernement, la religion et la justice, ils voulaient toujours appliquer les forces physiques à l'ordre moral. Moins propres à cet ordre de choses que le dernier des royalistes, ils se sentaient arrêtés par des bornes invisibles. Ils se débattaient contre une puissance qui leur était inconnue. De là, leurs mauvaises lois, leurs faux systèmes, leur opposition à tous les vrais principes. Ce qui fut esclave ne comprend pas l'indépendance. Ce qui est impie est mal à son aise au pied des autels. Ne croyons pas que tous les hommes de la Révolution aient conservé leur fatal génie. Sous un gouvernement moral et régulier, ce qu'ils possédaient de facultés pour le mal est devenu inutile. Ils sont, pour ainsi dire, morts au milieu du monde nouveau qui s'est formé autour d'eux. Et nous ne voyons plus errer parmi nous que leurs ombres ou leurs cadavres animés. Chapitre 74. que le système des intérêts révolutionnaires, amenant indirectement le renversement de la charte, menace de destruction la monarchie légitime. Je crois avoir démontré que le système des intérêts révolutionnaires ne s'appuie que sur des principes erronés. Qu'en le suivant, on a été obligé de se jeter dans les hérésies les plus inconstitutionnelles, que les mesures administratives prises en conséquence de ce système ont amené des oppositions, résultat inévitable de l'ordre faux dans lequel on a placé les choses et les hommes. Ce n'est pas tout. Je n'ai considéré jusqu'ici que le peu de solidité du système. Je vais en faire voir le danger. Il conduit d'abord indirectement à la subversion de la charte. Car si nous avons toujours, comme on doit l'espérer, des députés courageux et libres, ils combattront les maximes révolutionnaires. Et pour se débarrasser de ces surveillants importuns, il faudra bien violer la Constitution. Aussi, qu'est-ce que les ministériels ne disent point de la charte, même à la tribune, comme ils l'expliquent et l'interprètent ? À quoi ne la réduiraient-ils point s'ils étaient les maîtres ? Et pourtant, à les entendre, c'est nous qui ne sommes pas constitutionnels. C'est moi, peut-être, qui ne veux pas de la charte. Quand le système des intérêts révolutionnaires ne produirait que la destruction du plus bel ouvrage du roi, ce serait déjà, je pense, un assez grand mal. Mais je soutiens de plus que c'est un des principaux moyens employés par la faction révolutionnaire pour renverser de nouveau la monarchie légitime. Il faut parler. Le temps des ménagements est passé. Puissais-je être un prophète menteur ? Puissent mes alarmes n'avoir d'autre source que l'excès de mon amour pour mon roi, pour son auguste famille ? Mais dussé-je attirer sur ma tête les haines de parti, les fureurs des intérêts personnels ? J'aurai le courage de tout dire. Si je me fais illusion, s'il n'y a pas de danger, le vent emportera mes paroles. S'il y a au contraire conspiration et péril, je pourrai faire ouvrir les yeux aux hommes de bonne foi. Complot dévoilé est à demi détruit. Ôtez aux factions leurs masques, vous leur enlevez leur force. Chapitre 75. Qu'il y a conspiration contre la monarchie légitime. Je dis donc qu'il y a une véritable conspiration formée contre la monarchie légitime. Je ne dis pas que cette conspiration ressemble à une conspiration ordinaire, qu'elle soit le résultat des machinations d'un certain nombre de traîtres prêts à porter un coup subit, à tenter un enlèvement, un assassinat, bien qu'il s'y mêle aussi des dangers de cette sorte. Je dis seulement qu'il existe une conspiration, pour ainsi dire forcée, d'intérêts moraux révolutionnaires, une association naturelle de tous les hommes qui ont à se reprocher quelques crimes ou quelque bassesse. En un mot, une conjuration de toutes les illégitimités contre la légitimité. Je dis que cette conspiration agit de toutes parts et à tout moment, qu'elle s'oppose par instinct à tout ce qui peut consolider le trône, rétablir les principes de la religion, de la morale, de la justice et de l'honneur. Elle ignore le moment de son succès. Diverses causes peuvent le hâter ou le retarder, mais elle se croit sûre de ce succès. En attendant, elle travaille à le préparer, et le principal moyen d'action lui est fourni par le système des intérêts révolutionnaires. Chapitre 76. Doctrine secrète cachée derrière le système des intérêts révolutionnaires. Derrière le système que l'on prétend devoir suivre pour la sûreté du trône, pour la paix de l'État, se cachent les motifs secrets qui l'ont fait adopter, la doctrine dont il doit amener le triomphe. Il passe pour constant dans un certain parti qu'une révolution de la nature de la nôtre ne peut finir que par un changement de dynastie. D'autres, plus modérés, disent par un changement dans l'ordre de successibilité à la couronne. Je me donnerai garde d'entrer dans les développements de cette opinion criminelle. Qui veut-on mettre sur le trône à la place des Bourbons ? À cet égard, les avis sont partagés. Mais ils s'accordent tous sur la nécessité de déposséder la famille légitime. Les Stuarts sont l'exemple cité. L'histoire les tente. Sans l'échafaud de Charles Ier, la France n'aurait point vu celui de Louis XVI. Tristes imitateurs, vous n'avez pas même inventé le crime. comment puis-je prouver qu'une doctrine aussi épouvantable est mystérieusement voilée sous le système des intérêts révolutionnaires? Il me suffit de jeter un coup d'œil sur les pamphlets et les journaux des Cent-Jours. J'ai lu depuis, et d'autres ont lu comme moi, des écrits qui ne laissent rien dans l'ombre, pas même le nom. Dans les épanchements de la table ou dans la chaleur de la discussion, autre sorte d'ivresse. La franchise et la légèreté se sont souvent trahies. Mais quand les preuves directes me manqueraient pour être convaincu, je n'aurais qu'à regarder ce qui se passe autour de moi. Partout où j'observe un plan uniforme dont les parties se lient et se coordonnent entre elles, je suis forcé de convenir que ce dessin régulier n'a pu être tracé par les caprices du hasard. Une conséquence me fait chercher un principe, et par la nature de l'effet, j'arrive à connaître le caractère de la cause. Marquons le but et suivons la marche de la conspiration. Chapitre 77. But et marche de la conspiration. Elle dirige ses premiers efforts contre la famille royale. Ce que j'appelle la conspiration des intérêts moraux révolutionnaires a pour but principal de changer la dynastie, pour but secondaire d'imposer au nouveau souverain les conditions que l'on voulait faire subir au roi à Saint-Denis, prendre la cocarde tricolore, se reconnaître roi par la grâce du peuple, rappeler l'armée de la Loire et les représentants de Buonaparte, si ceux-ci existent encore au moment de l'événement. Ce projet, qui n'a jamais été abandonné, va sortir tout entier de l'observation des faits placés sous nos yeux. Il est convenu d'abord qu'on parlera du roi comme les royalistes mêmes, qu'on reconnaîtra en lui ses hautes vertus, ses lumières supérieures que personne ne peut méconnaître. Le roi qu'on a tant outragé pendant les Cent Jours est devenu le très juste objet des louanges de ceux qui l'ont indignement trahi, qui sont prêts à le trahir encore. Mais ces démonstrations d'admiration et d'amour ne sont que les excuses de l'attaque dirigée contre la famille royale. On affecte de craindre l'ambition des princes qui, dans tous les temps, se sont montrés les plus fidèles et les plus soumis des sujets. On parle de l'impossibilité d'administrer dans un gouvernement constitutionnel avec divers centres de pouvoir. On a éloigné les princes du Conseil, on a voulu retirer à monsieur la garde nationale. Monseigneur le duc d'Angoulême a été proposé pour protecteur de l'université, comme une espèce de prince de la jeunesse. C'est un moyen d'attacher les générations naissantes à une famille qu'elle connaît à peine. Les enfants sont susceptibles de dévouement et d'enthousiasme. Rien ne serait plus éminemment politique que de leur donner pour tuteur le prince qui doit devenir leur roi. Cela serait-il adopté? La raison de cette conduite est facile à découvrir. La faction qui agit sur des ministres, loyaux et fidèles, mais qui ne voit pas le précipice où on les pousse, cette faction veut changer la dynastie. Elle s'oppose donc à tout ce qui pourrait lier la France à ses maîtres légitimes. Elle craint que la famille royale ne jette de trop profondes racines. Elle cherche à l'isoler, à la séparer de la couronne. Elle affecte de dire, elle ne cesse de répéter, que les affaires pourront se soutenir en France pendant la vie du roi, mais qu'après lui, nous aurons une révolution. Elle habitue ainsi le peuple à regarder l'ordre des choses actuelles comme transitoire. On renverse plus aisément ce que l'on croit ne pas devoir durer. Si l'on cherche à ôter toute puissance aux héritiers de la couronne, on cherche, on essaie, mais bien vainement, de leur enlever le respect et les vénérations des peuples. On rit de leur piété, on calomnie leurs vertus. Les journaux étrangers sont chargés de cette partie de l'attaque par des correspondants officieux. Et dans nos propres journaux, n'a-t-on pas vu imprimer des choses aussi déplacées qu'étranges? À qui en veut-on lorsqu'on publie les intrigues de quelques subalternes? Si elles ne compromettent que ces hommes, méritent-elles d'occuper l'Europe? Si elles touchent, par quelques points, à des noms illustres, quel singulier intérêt met-on à les faire connaître? Ceux qui ne veulent pas de la liberté de la presse conviendront du moins que dans des questions aussi embarrassantes, cette liberté fournirait une réponse, sinon satisfaisante, du moins sans réplique. Apprenons à distinguer les vrais des faux royalistes. Les premiers sont ceux qui ne séparent jamais le roi de la famille royale, qui les confondent dans un même dévouement et dans un même amour, qui obéissent avec joie au sceptre de l'un et ne craignent point l'influence de l'autre. Les seconds sont ceux qui, feignant d'idolâtrer le monarque, déclament contre les princes de son sang, cherchent à planter le lys dans un désert et voudraient arracher tous les rejetons qui accompagnent sa noble tige. On peut, dans les temps ordinaires, quand tout est tranquille, quand aucune révolution n'a ébranlé l'autorité de la couronne, on peut se former des maximes sur la part que les princes doivent prendre au gouvernement. Mais quiconque, après nos malheurs, après tant d'années d'usurpation, ne sent pas la nécessité de multiplier les liens entre les Français et la famille royale, d'attacher les peuples et les intérêts aux descendants de Saint-Louis, quiconque a l'air de craindre pour le trône les héritiers du trône plus qu'il ne craint les ennemis de ce trône, est un homme qui marche à la folie ou court à la trahison. Chapitre 78. La conspiration se sert du système des intérêts révolutionnaires pour mettre ses agents dans toutes les places. Attaquer par toutes sortes de moyens la famille royale, avoir toujours en perspective un malheur que tout bon Français voudrait racheter de sa vie et qu'il se flatte de ne jamais voir, espérer, comme suite de ce malheur, l'exil éternel des princes, s'endormir et se réveiller sur ses effroyables espérances. Voilà ce que la secte ennemie recommande d'abord à ses initiés. Ensuite, elle fait les derniers efforts pour soutenir, éteindre et propager le système des intérêts révolutionnaires. Elle le présente aux timides comme un port de salut, aux sots comme une idée de génie, aux dupes comme un moyen d'affermir la royauté. Par l'établissement complet de ce système, les révolutionnaires espèrent que toutes les places se trouveront dans leurs mains au moment de la catastrophe. Les autorités diverses étant alors dans le même intérêt, le changement s'opérera, comme au 20 mars, d'un commun accord, sans résistance, sans coup férir. Qu'en coûte-t-il à ces hommes pour tourner le dos à leur maître? N'ont-ils pas abandonné Buonaparte lui-même? Dans l'espace de quelques mois, n'ont-ils pas pris, quitté et repris tour à tour la cocarde blanche et la cocarde tricolore? Le passage d'un courrier à travers la France faisait changer les cœurs et la couleur du ruban. Voyez avec quelle simplicité admirable ils vous parlent de leur signature au bas de l'acte additionnel. Ils n'ont rien fait de mal, ils sont innocents, comme Abel. Ils ont écrit contre les Bourbons des calomnies abominables, ils les ont insultés par des proclamations trop connues. Eh bien, ils vont faire aujourd'hui la cour à nos princes avec ces proclamations dans la poche. Ils parlent monarchie légitime, loyauté, dévouement, sans grimacer. On dirait qu'ils sortent des forêts vendéennes, ils arrivent au champ de mai. Ils ont raison, puisque toutes les fois qu'ils violent la foi jurée, ils obtiennent un emploi de plus. Comme on compte l'âge des vieux cerfs aux branches de leur ramure, on peut aujourd'hui compter les places d'un homme par le nombre de ses serments. C'est donc bien vainement que vous espérez qu'ils vous demeureront attachés quand vous leur aurez confié les autorités de la France. Comme avant le 20 mars, ils ne recherchent les places que pour mieux vous perdre. Déjà, ils se vantent de leur succès. Ils deviennent insolents. Ils ne peuvent contenir leur joie en voyant prospérer le système des intérêts révolutionnaires. « Si nous vous avons trahis, disent-ils, c'est que vous ne nous aviez donné que les trois quarts des places. Donnez-nous-les toutes, et vous verrez comme nous serons fidèles. Augmentez la dose du poison, et vous verrez qu'au lieu de vous tuer, il vous guérira. Il y a de prétendus royalistes qui soutiennent eux-mêmes cette monstrueuse absurdité. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, s'ils ont été royalistes, ils ne le sont plus. » Chapitre 79. La faction envahit toutes les places. La faction demande donc toutes les places, dans tous les ministères, et elle réussit plus ou moins à les obtenir. Elle s'éleva avec chaleur contre l'inamovibilité des juges. De vertueux jacobins qui ne peuvent plus être dépossédés sont des hommes très utiles. Ils gardent en sûreté le feu sacré et tendent une main secourable à leurs frères. Aux finances et dans les directions qui en dépendent, le système des intérêts révolutionnaires s'est maintenu avec vigueur. Un commis retourne dans le village où il a été trop connu pendant les 100 jours. Que pensent les gens de la campagne en revoyant cet homme ? Que cet homme avait raison de leur annoncer la catastrophe du 20 mars, avant les 100 jours, et qu'il a sans doute encore raison lorsqu'il se sert en parlant de cette phrase si connue « quand l'autre reviendra ». À l'intérieur, les intérêts révolutionnaires avaient d'abord succombé. L'alarme a été au camp. L'impulsion royaliste donnée aux préfectures a fait peur. Le parti a réuni ses forces. On a d'abord mis un obstacle aux nominations et aux destitutions trop franches, en faisant soumettre ces nominations et ces destitutions à l'examen du Conseil des ministres, de sorte que le ministre de la Justice fait des officiers généraux et le ministre de la Guerre des hommes de loi. Si cette bizarre solidarité était également admise pour tous les ministres, il faudrait se contenter de rire. Mais elle ne s'applique qu'aux ministres soupçonnés de royalisme. Ceux qui sont connus pour soutenir franchement le système des intérêts révolutionnaires ont toute liberté de placer des hommes suspects et d'éloigner des hommes dévoués. Ces arrangements n'ont pas rassuré le parti. Il est parvenu à faire renverser le ministre. Alors, les espérances se sont ranimées. On se flatte de faire perdre au royalisme tout le terrain qu'il avait gagné dans cette partie de l'administration. La garde nationale a été attaquée. Déjà, des préfets trop royalistes ont été rappelés. D'autres sont menacés. On aura soin, surtout, de déplacer les amis du trône si on est assez heureux pour obtenir la dissolution de la Chambre des députés et qu'il faille en venir à des élections nouvelles. Alors, il sera plus facile au parti de diriger et d'influencer les choix. Chapitre 80. La guerre. C'est avec difficulté que d'autres ministres, connus par leur royalisme, se maintiennent dans leur place. Mais on en veut surtout au ministre de la guerre. On ne lui pardonne pas son noble dévouement. On lui pardonne encore moins d'avoir formé une gendarmerie excellente et une armée qui brûle du désir de verser son sang pour son roi. Il faut, à tout prix, détruire cet ouvrage qui rendrait vains les efforts des conspirateurs. Si l'on ne peut d'abord renverser le ministre, il faut essayer de le dépopulariser dans le parti royaliste. Il faut l'obliger à donner des gages, le forcer à quelques destitutions fâcheuses, à quelques choix malheureux. On cherche, en même temps, à faire revivre l'armée de la Loire. Estimons son courage, mais donnons-nous garde de lui rendre un pouvoir dont elle a trop abusé. L'armée de Charles VII se retira aussi sur les bords de la Loire. Mais La Hire et Dunois combattaient pour les Fleurs de Lys, et Jeanne d'Arc sauva Orléans pour le roi, comme pour la France. Chapitre 81. La faction poursuit les royalistes. La faction s'empare ainsi de tous les postes. Recule lentement quand elle y est forcée, avance avec célérité quand elle voit le moindre jour et profite de nos fautes autant que de ses victoires. Pateline et audacieuse, son langage ne prêche que modération, oubli du passé, pardon des injures. Ses actions annoncent la haine et la violence. En même temps qu'elle soutient ses amis, qu'elle les porte au pouvoir, qu'elle les établit dans les places afin de s'en servir au moment critique, elle décourage, insulte, persécute les royalistes pour ne pas les trouver sur son chemin dans ce même moment. Elle a inventé un nouveau jargon pour arriver à son but. Comme elle disait au commencement de la Révolution les aristocrates, elle dit aujourd'hui les ultra-royalistes. Les journaux étrangers, à sa solde ou dans ses intérêts, écrivent tout simplement les ultras. Nous sommes donc les ultras, nous, tristes héritiers de ces aristocrates dont les cendres reposent à Picpus et au cimetière de la Madeleine. Par le moyen de la police, la faction domine les papiers publics et se moque, en sûreté, de ceux à qui la défense n'est pas permise. La grande phrase reçue, c'est « qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi ». Cette phrase n'est pas du moment. Elle fut inventée sous Louis XVI. Elle enchaîna les mains des fidèles pour ne laisser de libre que le bras du bourreau. Si les royalistes essaient de se réunir pour se reconnaître, pour se prémunir contre les coalitions des méchants, on s'empresse de les disperser. Des autorités avancent cette abominable maxime qu'il faut proscrire un bon principe qui a de mauvais résultats, comme on proscrirait un principe pervers. Frappez donc la vertu, car, presque toujours dans ce monde, ce qu'elle entreprend tourne à sa ruine. Un royaliste est assimilé à un jacobin, et, par une équité bien digne du siècle, la justice consiste à tenir la balance égale entre le crime et l'innocence, entre l'infamie et l'honneur, entre la trahison et la fidélité. Chapitre 82. Suite du précédent. Le dévouement est l'objet éternel des plaisanteries de ces hommes qui ne craindraient pas le supplice inventé par les anciens peuples de la Germanie pour les infâmes. On les ensevelirait dans la boue, qu'ils y vivraient comme dans leur élément. le voyage de Gand est appelé par eux le voyage sentimental. Ce bon mot est sorti du cerveau de quelques commis qui, toujours fidèles à leur place, ont servi avant, pendant et après les 100 jours. De ces honnêtes employés bien payés aujourd'hui par le roi, qui ont applaudi de tout leur cœur au voyageur sentimental de l'île d'Elbe et qui attendent son retour de Sainte-Hélène. Allez proposer un soldat de l'armée de Condé à ses loyaux administrateurs. « Nous ne voulons, répondent-ils, que des hommes qui ont envoyé des balles au nez des alliés. » J'aimerais autant ceux qui ont envoyé des balles au nez des buonapartistes. On met sur la même ligne La Roche-Jacquelin, tombant en criant « Vive le roi !» dans les mêmes champs arrosés du sang de son illustre frère, et l'officier mort à Waterloo en blasphémant le nom des Bourbons. On donne la croix d'honneur au soldat qui combattit à cette journée. Et le volontaire royal qui quitta tout pour suivre son roi n'a pas même le petit ruban qu'on promit à Alostre à sa touchante fidélité. Ainsi, tandis qu'on exécute les décrets de Buonaparte, datés des Tuileries au mois de mai 1815, on ne reconnaît point les ordonnances du roi signées à Gand dans le même mois. On paye le chevalier de la Légion d'honneur, mais le chevalier de Saint-Louis, courbé par les ans, est à l'aumône. Trop heureux ce dernier quand on lui achète une méchante redingote pour couvrir sa nudité, ou quand on lui donne un billet avec lequel il pourra du moins faire panser par les filles de la charité de vieilles blessures méprisées comme la vieille monarchie. Enfin, c'est une sottise, une faute, un crime de n'avoir pas servi Buonaparte. N'allez pas dire, si vous voulez placer ce jeune homme, qu'il s'est racheté de la conscription au prix d'une partie de sa fortune, qu'il a été errant, persécuté, emprisonné pour ne pas prêter son bras à l'usurpateur, qu'il n'a jamais fait un serment, accepté une place, qu'il s'est conservé pur et sans tache pour son roi, qu'il l'a accompagné dans sa dernière retraite, au risque de s'exposer avec lui à un exil éternel. Ce sont là autant de motifs d'exclusion. Il n'a pas servi, vous répondra-t-on froidement, il ne sait rien. Mais il sait l'honneur. Pauvre principe, le siècle est plus avancé que cela. Mais venez, proposez, pour vous dédommager de ce refus, un homme qui aura tout accepté, depuis la haute dignité de porte-manteau jusqu'à la place de marmiton impérial. Parlez, que voulez-vous? Choisissez dans la magistrature, l'administration, l'armée. 100 témoins vont déposer en faveur de votre client. Ils attesteront qu'ils l'ont vu veiller dans les antichambres avec un courage extraordinaire. Il ne veut qu'une décoration, c'est trop juste. Vite, un chevalier pour lui donner la collade. Attachez à sa boutonnière la croix de Saint-Louis. C'est un homme prudent. Il la mettra dans sa poche, en temps et lieu. Celui-là était facile à placer, j'en conviens. Il était sans tache. Mais vous hésitez à présenter celui-ci. Il a foulé sa croix de Saint-Louis au pied pendant les 100 jours. Bagatelle, excès d'énergie. Ce caractère bouillant est un vin généreux que le temps adoucira. Un homme, pendant les 100 jours, a été l'écrivain des charniers de la police. Faites-lui une pension. Il faut encourager les talents. Un autre est venu à Gand, au péril de sa vie, proposer au roi de l'argent et des soldats. Il sollicite une petite place dans son village. Donnez cette place au douanier qui tira sur cet ultra-royaliste lorsqu'il passait à la frontière. Vous n'avez pas obtenu la nomination de ce juge? Mais ne saviez-vous pas qu'elle était promise à un prêtre marié? Un ci-devant préfet avait prévariqué. Un rapport était prêt. On arrête ce rapport. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas, répond-on, que le rapport vous empêcherait de placer cet homme? Où sont vos certificats? Dit-on au meilleur royaliste qui sollicite humblement la plus petite place. Il y a 25 ans qu'il souffre pour le roi. Il a tout perdu, sa famille et sa fortune. Il a des recommandations des princes, de cette princesse, peut-être, dont la moindre parole est un oracle pour quiconque reconnaît la puissance de la vertu, de l'héroïsme et du malheur. Ces titres ne sont pas jugés suffisants. Arrive un buonapartiste. Les fronts se dérident. Ses papiers étaient à la police. Il les a perdus lors du renvoi de M. Fouché. C'est un malheur, on le croit sur sa parole. Entrez, mon ami, voilà votre brevet. Dans le système des intérêts révolutionnaires, on ne saurait trop tôt employer un homme des 100 jours. Qu'il aille encore tout chaud de sa trahison nouvelle, tout infecte de sa récente infidélité, empester le palais du roi. Comme Messaline rapportait jusque dans le lit de César l'odeur des lieux de débauche, témoin de ses prostitutions impériales. Chapitre 83. Ce que l'on se propose en persécutant les royalistes. Cette tactique a pour but de fatiguer les amis du trône, d'enlever à la couronne ses derniers partisans. On espère les jeter dans le désespoir, les pousser à des imprudences dont on profiterait contre eux et contre la monarchie légitime. On se flatte du moins qu'ils feront ce qu'ils ont toujours fait et ce qui les a toujours perdus, qu'ils se retireront. Depuis le commencement de la Révolution, tel a été le sort des royalistes. Dépouillés d'abord, on a cessé depuis de triompher de leur malheur. On prend à tâche de leur répéter qu'ils n'ont rien, qu'ils n'auront rien, qu'ils ne doivent compter sur rien. On leur a rouvert la France, mais on a écrit pour eux sur la porte, comme sur celle des enfers, « Entre, qui que tu sois, et laisse l'espérance. » On reprend la loi qui les a frappés, on l'aiguise, on la retourne dans leur sein comme un poignard. Offre-t-il ce qui leur reste, leurs bras et leurs services, on les repousse. Le nom de royaliste semble être un brevet d'incapacité, une condamnation aux souffrances et à la misère. Aux partisans du système des intérêts révolutionnaires se joignent les prédicateurs de l'ingratitude. Les royalistes, disent-ils, ne sont pas dangereux. Il est inutile de s'occuper de leur sort. S'il survient un orage, nous les retrouverons. Et vous ne craignez pas de flétrir par des propos inconsidérés, de laisser languir dans l'oppression et la pauvreté ceux dont vous avez une si haute idée? Quels hommes que ceux-là que vous repoussez dans la fortune et dont vous vous réservez la vertu pour le temps de vos malheurs? Vous avez raison, ils ne se lasseront pas, ils consommeront leurs sacrifices. Leur patience est inépuisable, comme leur amour pour leur roi. Chapitre 84. La faction poursuit la religion. Les royalistes défendraient le roi, il faut les écarter. L'autel soutiendrait le trône, il faut l'empêcher de se rétablir. Le système des intérêts révolutionnaires est surtout incompatible avec la religion. Les plus grands efforts du parti se dirigent contre elle, parce qu'elle est la pierre angulaire de la légitimité. On a tâché d'abord d'exciter une guerre civile dans le Midi, avec le dessein d'en rejeter l'odieux sur les catholiques. On a rendu vains les projets des chambres. Aucune des propositions religieuses adoptées par elle n'est sortie du portefeuille des ministres. Double avantage pour les intérêts révolutionnaires. Le prêtre marié continue à toucher sa pension, et le curé meurt de faim. Ainsi, l'on n'a encore presque rien fait depuis le retour du fils aîné de l'Église, pour guérir les plaies, ou mettre fin au scandale de l'Église. Et pourtant, que ne doit-on point ce royaume à la religion catholique? Le premier apôtre des Français dit au premier roi des Français montant sur le trône, « Sicambre, adore ce que tu as méprisé, brûle ce que tu as adoré. » Le dernier apôtre des Français dit au dernier roi des Français descendant du trône, « Fils de Saint-Louis, montez au ciel !» C'est entre ces deux mots qu'il faut placer l'histoire des rois très chrétiens et chercher le génie de la monarchie de Saint-Louis. On n'a point adopté les propositions favorables au clergé, mais on a regretté vivement la loi du 23 septembre. On sait très bien que cette loi est une mauvaise loi de finances, mais c'est une bonne mesure révolutionnaire. On sait très bien que 10 millions de rentes restituées aux églises ne ferait pas la fortune du clergé, mais ce serait un acte de justice et de religion. Et il ne faut ni justice ni religion, parce qu'elle contrarie le système des intérêts révolutionnaires. Toutes choses allant comme elles vont, dans 25 ans d'ici, il n'y aura de prêtre en France que pour attester qu'il y avait jadis des autels. Le parti connaît le calcul, et pour empêcher la race sacerdotale de renaître, il s'oppose à ce qu'on lui fournisse les moyens d'une existence honorable. Il n'ignore pas que des pensions insuffisantes, précaires, soumises à toutes les détresses du fisc et à tous les événements politiques, ne présentent pas assez d'avantages aux familles pour qu'elles consacrent leurs enfants à l'état ecclésiastique. Les mères ne vouent pas facilement leurs fils au mépris et à la pauvreté. La partie est donc sûre, si elle est jouée avec persévérance. Je ne sais si la patience appartient à l'enfer comme au ciel, à cause de son éternité, mais je sais que dans ce monde, elle est donnée aux méchants. La destruction physique et matérielle du culte est certaine en France, pourvu que les ennemis secrets de la légitimité, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, parviennent à tenir le clergé dans l'état d'abjection où il est maintenant plongé. Au milieu de ses enfants massacrés, sur le champ de bataille où elle est tombée, en défendant le trône de Saint-Louis, la religion blessée étend encore ses mains défaillantes pour parer les coups qu'on porte au roi. Mais ceux qui l'ont renversée sont attentifs. Et toutes les fois qu'elle fait un effort pour se relever, ils frappent un coup pour l'abattre. Un prélat vénérable avait obtenu la direction des affaires religieuses. La distribution du pain des martyrs n'était plus confiée à ceux qui l'ont pétri avec l'ivraie et qui ne vendent pas même à bon poids ce pain amer. On s'est hâté de faire remettre les choses telles et pires qu'elles étaient sous Buonaparte. Le prêtre est rentré sous l'autorité du laïc et la religion est venue se replacer sous la surveillance du siècle. Lorsqu'un vicaire veut toucher le mois échu de sa pension, il faut qu'il présente un certificat de vie au maire du lieu. Celui-ci en écrit au sous-préfet qui s'adresse à son tour au préfet, dont la prudence en réfère au chef de division de l'intérieur, chargé de la direction des cultes. Le chef en parle au ministre. Enfin, cette grande affaire, mûrement examinée, on compte 12 livres, 10 sous, sur quittance, à l'homme qui console les affligés, partage son denier avec les pauvres, soulage les infirmes, exhorte les mourants, donne la sépulture aux morts, prie pour ses ennemis, pour la France et pour le roi. Quelques biens ecclésiastiques étaient aliénés, sans contrat légal. On les a découverts. On a craint que leurs détenteurs ne trouvassent le moyen de les rendre aux églises. Vite, on s'est hâté de rappeler les biens au domaine. Ce n'est pas assez d'empêcher le prêtre de vivre. Il faut encore lui ôter, s'il est possible, toute considération aux yeux des peuples. Ce qu'on n'avait pas vu sous le règne des athées, on a trouvé piquant de le montrer sous le règne du roi très chrétien. Un prêtre a été cité comme un criminel à comparaître au tribunal de la police correctionnelle. Il y est venu en soutane et en rabat, s'asseoir sur les bancs des prostituées et des filous. Le peuple a été étonné et la cause a cessé d'être publique. Cette haine de la religion est le caractère distinctif de ceux qui ont fait notre perte, qui méditent encore notre ruine. Ils détestent cette religion parce qu'ils l'ont persécutée, parce que sa sagesse éternelle et sa morale divine sont en opposition avec leur vaine sagesse et la corruption de leur cœur. Jamais ils ne se réconcilieront avec elle. Si quelques-uns d'entre eux montraient seulement quelque pitié pour un prêtre, tout le parti se croirait dégénéré de ses vertus et menacé d'un grand malheur. Rome, au temps de ses mœurs, fut consternée de voir une femme plaider devant les tribunaux. Ce manque de pudeur parut à la République annoncer quelque calamité, et le Sénat envoya consulter l'oracle. Mais comment comprendre que ceux qui peuvent quelque chose sur nos destinées, qui prétendent vouloir la monarchie légitime, rejettent la religion? L'impiété ne nous a-t-elle pas fait assez de mal? Le sang et les larmes n'ont-ils pas assez coulé? N'y a-t-il pas eu assez de proscriptions, de spoliations, de crimes? Non, on remet encore en question les injustices révolutionnaires. On entend encore débiter les mêmes sophismes qu'en 1789. Les prêtres, après le massacre des Carmes, les déportations à la Guyane, les mitraillades de Lyon, les noyades de Nantes, après le meurtre du roi, de la reine, de Madame Élisabeth, du jeune roi Louis XVII, les prêtres dépouillés de tout, sans pain, sans asile, sont encore pour des hommes d'État, des calotins. Eh bien, si nous en sommes là, je ne crains pas d'annoncer que le souhait du philosophe Diderot s'accomplira. Fin de la section 7.